de toi, ouais. Oh, fou de toi, ouais, ouais, ouais, ouais. Je perds la raison dans tes grands yeux noirs. Moi, je...